charge à l'ancienne. J'ai grandi, je suis un loup, c'est tous des bambis. Et moi je voulais bien faire, t'as compris. Mais profite quand t'es trop gentil. Ouais, nique sa mère, voilà ils ont mis. On peut mettre des yeux dans les zombies. J'suis au bord de la mer, t'as compris. On profite, on est plus en conflit. On bouge en balade, sans vite à la catalane. On le mange dans un grand palace. On a galéré pour en arriver là. Au quartier ça va trop vite. On a repéré les chemises. Ils ont sorti le fin fond. Tu me vois rôder la nuit. Mon pitou, ma petite canette. Tu parles plus à tes amis. Mais les chis étaient pas nets. J'ai sorti la galerie. La quiche à la petite palette. La petite est jolie. Elle danse avec sa cigarette. Tu réponds pas, messagerie. J'ai galéré, faut que vous le sachiez. J't'ai dit te mélange pas, j'l'avais senti. Ils t'ont fait un coup bizarre et ils sont repartis. J'ai perdu un poteau en moto. J'ai pas pu le voir quand j'étais à l'auto. J'suis parti devant sa tombe, y'a toujours ta photo. Ça fait trop mal, toi t'es parti trop tôt. Je regarde là-haut, un con rigolait. T'aimais trop mes sons. Tu me disais t'inquiète pas, ça va décoller. Au quartier ça va trop vite. On a repéré les chemises. Ils ont sorti le fin fond. Tu me vois rôder la nuit. Mon bidou, ma petite canette. Tu parles plus à tes amis. Mais les chis étaient pas net. J'ai sorti la galerie. La quiche à la petite palette. La petite est jolie. Elle danse avec sa cigarette. Car tu ça va trop vite. On a repéré les chemises. Ils ont sorti le pimpant. Car tu ça va trop vite.